Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Christelle, Centre Europe Direct Lorraine Grand Est. Aujourd'hui, on va parler de Corps Européen de Solidarité, un dispositif qui permet aux jeunes entre 18 et 30 ans de partir à l'étranger sans aucun frais. Et pour aujourd'hui, nous n'avons pas Adam, mais nous avons la chance d'avoir avec nous deux volontaires européens qui travaillent chez Christelle, Elena et Mary. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, présentez-vous en quelques mots. On va commencer avec Mary. Oui, je m'appelle Mary, j'ai 20 ans et je suis originaire de l'Allemagne. J'ai étudié les sciences de la culture et des médias pendant un an et demi. Coucou tout le monde, je m'appelle Elena, j'ai 23 ans et je suis italienne. J'ai une licence en psychologie et maintenant je fais une expérience de volontariat chez Christelle. Alors qu'est-ce que vous faites chez Christelle ? Personnellement, je fais choses en fonction des besoins et de l'association et des tâches à réaliser chaque jour. À part ça, je m'occupe principalement de l'association dans la gestion et la création de contenu pour les réseaux sociaux. J'aime bien créer des concepts et des templates. Mais d'autres fois, j'accompagne mes collègues dans le lycée ou les instituts pour les aider à partager des informations sur les projets européens et présenter aussi les dispositifs. D'autres jours encore, je les aide à organiser des événements ou je reste au bureau pour rédiger les contenus. Quelles sont les étapes pour participer à un projet de volontariat européen ? Ah, c'est très simple. Le programme s'adresse aux 18 et 30 ans et jusqu'à 35 ans pour les missions humanitaires. Il suffit de s'inscrire sur le site du COP européen de solidarité. Ensuite, les jeunes peuvent candidater à des missions de 10 mois dans l'environnement, la culture, l'inclusion sociale, les sports, les centres ou l'éducation. Le programme est très accessible. Il prend en charge le voyage, l'hébergement, le repas. L'assurance propose une formation et offre une indemnité par personne de diplôme ni de parler parfaitement une langue étrangère. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour faire un volontariat européen, Elena ? C'est le moins. Pour faire une expérience de volontariat européenne, on n'a pas besoin de compétences spécifiques. Au début, moi aussi, je pensais qu'il faisait savoir faire des choses. Mais en réalité, il faut seulement être motivé, savoir montrer la motivation aux associations. Alors selon vous, pourquoi faire du volontariat européen peut-il être un atout pour son avenir ? Je pense qu'un volontariat européen est utile à plusieurs niveaux. D'une part, on acquiert des compétences tant professionnelles que sociales. D'autre part, c'est aussi une excellente occasion de mieux se connaître et de découvrir tout ce dont on est capable tout seul. Pour moi, ces services à l'étranger est associé à un sentiment de liberté et l'idée de faire quelque chose d'utile pour le bien commun. On apprend à connaître ses limites, on surmonte ses anciennes peurs et on se rend compte qu'on est capable des fois et d'apprendre bien plus qu'on ne pensait. Pour moi, l'apprentissage des français est fait aussi partie. Elena ? Je trouve que faire un volontariat européen peut être très utile pour les futurs d'un jeune, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Sur les plans professionnels, on acquiert de nouvelles compétences techniques, on apprend à travailler en équipe, à évoluer dans un espace partagé avec deux autres personnes. Mais en même temps, on apprend à s'adapter aux autres contextes, à une nouvelle langue, à une nouvelle culture. Et on apprend aussi à gérer son temps et à se débrouiller seul dans un environnement étranger. Ce n'est pas du tout facile, mais cela permet de beaucoup grandir. Alors si vous deviez donner un conseil à ceux qui souhaitent vivre cette expérience ou à ceux qui s'apprêtent à la vivre, quel serait-il ? Mary ? C'est une question très intéressante car je pense que chaque mission de volontariat et chaque situation de départ, comme le H par exemple, sont très différentes et sont accompagnées de problèmes, des inquiétudes et des craintes qui leur sont propres. Mais ce que nous partageons tous en tant que volontaires à l'étranger, c'est sa décision de l'agir derrière nous quelque chose de très familier pour vivre une autre vie, ou même pendant un court moment. Cette étape se suit certes au début, mais je pense que c'est pour beaucoup la plus difficile. Je pense que je conseillerais alors de se rappeler pourquoi on veut faire ce service, de se dire très clairement « je veux ça » et de croire en soi. On y arrive cette année, même si ce n'est pas toujours facile. Mais le plus important, c'est de faire le premier pas. De se lancer, d'oser et dire croire. Elena? Pour moi, c'est une question assez compliquée, car il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir avant de partir. Mais si je devais choisir, je dirais que si on ressent les besoins et l'envie de partir, il faut essayer de le faire parce qu'on n'a rien à perdre. Et si je pouvais dire quelque chose à moi-même, ça serait d'accepter la peur, car elle est normale, mais de continuer malgré tout à suivre son envie. Alors votre expérience touche à sa fin. Avec quelles émotions êtes-vous en train de la vivre et qu'est-ce que vous en retenez? Pour être honnête, je ne veux pas encore penser à la fin. J'apprécie énormément le temps que je passe ici. Surtout en ce moment, avec le soleil, les journées qui s'allongent et la beauté de la nature. De plus, il me reste encore beaucoup à découvrir. Mais ce que je retiens avant tout, c'est la confiance en moi. Je vois combien de problèmes je peux résoudre toute seule, que je peux vivre seule, dans un pays étranger, et où l'on parle une langue qui m'est étrangère. De plus, je commence à découvrir plusieurs nouvelles facettes de ma personnalité, à réaliser tout ce qui est possible dans la vie, et je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve. Elena. Je commence à me rendre compte que ce chapitre va bientôt se terminer, et ce n'est pas si facile à accepter parce que malgré les difficultés normales de cette expérience, je vais ceux de moi très spéciaux. Je vais ramener avec moi en Italie à une Elena grandie et plus consciente et de ses capacités et de ce qu'elle peut apprendre. Je vais ramener une Elena améliorée et enrichie par toutes les belles expériences vécues et je vais sûrement aussi ramener avec moi les belles personnes rencontrées qui font maintenant partie de ma vie. Merci à toutes les deux pour votre témoignage. Merci beaucoup. Adam nous a rejoints. Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous redire un petit peu si des jeunes, justement, de 18-30 ans souhaitent en savoir plus, voire se lancer? Voilà, si vous avez entre 18 et 30 ans, n'hésitez pas à vous lancer. Donc, il suffit de s'inscrire sur le site du Corps européen de solidarité. Là, sur ce site, il y a des structures, des associations qui proposent des missions, que ce soit environnementales, culturelles, il y a l'inclusion sociale, le sport, etc. Et vous pouvez donc postuler pour rentrer dans ces missions qui peuvent aller de 2 semaines à 12 mois. Donc n'hésitez pas et allez faire un petit tour sur le site du Corps européen de solidarité. Merci Adam. C'était la chronique Europe On Air sur Radio Fadjet présentée par l'association Christelle, Centre Europe Direct Lorraine Grand Est. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien.